Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. C'est fou pour la semaine du 14 au 20 décembre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Virginie Cossette. Et on aurait pu dire bienvenue au palmarès C'est fou dès le départ, mais comment voulez-vous? Là, on a attendu un peu. C'est ça, on a attendu. On voulait vous faire languir. Le suspense est tellement énorme. Cette semaine, on a quelques nouvelles entrées dans nos palmes. Du côté anglophone, on retrouve Baby Woodrose avec Someone to Love et Elbow Beach Surf Club avec Same Side. Du côté francophone, il y a Geneviève et Mathieu. Oh, je suis heureuse. Oh, c'est une belle pièce avec Elle Noranda. Mais tout de suite, voici notre 15e position francophone. Nico Machine avec Une histoire de mitaine. Tout de suite au Palmarès C'est fou au 89.1 FM. Dans vos oreilles. J'avais un trou dans le pouce et j'étais carottée. Je me suis retrouvée dans ce lodge, la gratte venait de passer. Tu comptais sur 5 doigts et tu étais gauchée. Tu es tombée d'une poche sur le trottoir glacé. J'ai failli me noyer, pour te faire écraser. Mais des passants dévoués nous ont accrochés. Moi sur un barcomètre, expiré mais quand même. Pour toi, souffle plus dur. Sur un pic de clôture. Juste une petite rengaine, plus ou moins réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toute effilochée. Avec un happy end qui vient tout rattraper. Faisais des tatas de bord en bord de la rue. Tu faisais ton tarla comme si t'avais rien vu. Une mère m'a ramassé en fin d'après-midi. Poursuivant son chemin, elle t'a pris toi aussi. T'as mouillé en tapant dans un sac d'épicerie. L'air du contre-cuir, tu m'as fait sourire. J'ai vu que t'étais pas con. Vu que j'étais droitière, on a séché ensemble sur les calorifères. C'est juste une petite rengaine, à moitié réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime. Et filochie, avec un happy end qui vient tout rattraper. Je le sais que c'est qu'elle t'aime, mais c'est l'histoire qui me vient. L'hiver quand on se promène, tu me tiens par la main. patience. It feels like a sensation. Could it be you need someone to love? Circles of your mind. And if you sometimes feel there should be more to life, searching for salvation, getting only damnation. Could it be you need someone to love? Baby Woodrow's avec Someone to Love, nouvelle entrée en 15e position anglophone. Du côté francophone, on avait une chanson quand même d'envergure aujourd'hui. Oui. Une histoire de mitaine de Tricot Machine. Ah, tellement d'envergure, tu dis? Je sais pas si c'est approprié comme mot, mais... De circonstances. Ouais, j'aime mieux ça. Amélia Larrec vient de se joindre à nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mathieu Plante et Virginie Cossette. Bonjour. Et plus tard, on va parler de Noël avec Amélia. Oui, bien sûr. Donc, restez avec nous pour ça. On s'en va entendre tout de suite nos 14e positions. Du côté anglophone, c'est Elbow Beach Surf Club avec Same Side de leur Bill Club EP. Mais avant, Geneviève et Mathieu avec Elle Noranda. Oh, palmarès, c'est fou au 89.1. FM... Prends-moi, prends-moi, elle nous rendait un mois de moi. là, je ne peux que construire que des choses malheureuses. Tu me pries, tu me creuses, mais font ton guillotine. En restant, je bois la crapade rieuse, le rôti a brûlé la fin d'après-midi. Le rôti a brûlé la fin d'après-midi. Une histoire endormie n'a jamais sans ma fille. Aux endroits passagers, que des choses malheureuses. J'ai chialé, j'ai vomi, mes montries, mes guenilles. Pourquoi toi c'est à moi, la nous, la silencieuse. Souvenir arrosé, mémoire oubliée. Je ne peux que construire que des choses malheureuses. Tu me piques, tu me creuses, mes fentes sont pilotées. À l'instant où je bois la grappe agurieuse, le rôti a brûlé la fin d'après-midi. Est-ce que ça t'a réveillé, Virginie? Oui. Oui, j'espère. Fait du bien. C'était Elbow Beach Surf Club avec Same Side, nouvelle entrée en 14e position anglophone. J'imagine que tu veux que je dise la francophone, étant donné que je fais toujours le côté francophone. Probablement, oui. Voilà. C'était Geneviève et Mathieu avec El Noranda, qui était, ma foi, très bon. C'est vrai, tout à fait. C'est dans le l'âme de leur pièce précédente, Ne pleure pas, qu'on avait eu il y a quelques mois dans les palmarès. C'est fou. On saute par-dessus les pièces 13, 12, 11 et 10. Voici le côté francophone. Tiens, je te laisse l'anglophone vu que tu me le demandes. Oh, c'est gentil. Ah. 13e position francophone, c'est les Psycho Riders avec les Cafards qui montent de 2. En 12e, c'est stable Radio des Magots de Machamba. En 11e, ça monte de 3, Sabrina de Kid Sentiment. Et en 10e, plus 1 pour le 3e œil de la formation Les Chiens. Donc, du côté anglophone, yes, je suis heureuse de faire le côté anglophone. Hey Girls et Figurines en 13e position. En 12e position, en hausse de 1 quand même, What's Left Behind de Saddies. En 11e position, qui remonte de 4 positions, Devil at My Heels de Steve Hill. Et en 10e, Superhero de Johnny Hollow. Absolument, on s'en va à nos 9e du côté anglophone, c'est Coheed and Cambria avec The Running Free qui est stable. Mais juste avant, voici la 9e francophone. C'était la première fois de 0-1. Des fois, je te laisse la francophone pareil. Ouais, hein? faut que je la prenne. Hein? Et aussi, c'était la première fois que je sais pas. C'était la première fois que je faisais le show comme ça. Si on peut appeler ça de l'amour. C'était la première fois que je voyais l'amour. J'étais horrifiée et les fesses mises à la fois. J'étais horrifiée et les fesses mises à la fois. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Malgré ma répulsion. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Je ne pouvais détacher mon regard du dégradant spectacle de cette acquittée en bestiaire. C'était la première fois que je voyais un peu plus fort l'amour. Si on peut appeler ça de l'amour. Si on peut plus tard. Ne liche pas le micro. C'est pas fait pour mettre dans ta bouche, ça. Coheed and Cambria avec The Running Free en 9e position anglophone, c'est très très stable. C'était la première fois que je lichais mon micro de 0 à 1 en francophone. C'est aussi stable, ça. En effet. Est-ce que tu as appris ta leçon? Je vais essayer. D'accord. C'est comme l'hiver, en général, si tu ne touches pas à une clôture avec ta langue dans un studio de radio, si tu ne mets pas ta langue sur le micro. Mais au moins, je n'ai jamais touché à un poteau de métal avec ma langue. Une chance. Mais moi, je pense qu'on pourrait se poser des questions si ta langue, elle reste collée sur le micro parce que tu le liches. Non, parce que regarde, je parle maintenant. Tout est bon. Tout est bien, fini bien. Avant de passer à nos positions numéro 8, tournons la page un petit peu. Gling-a-ling-a-ling. Hey, quand même réveillé. Ça manquait, hein? Et réveillé assez pour faire un gling-a-ling. C'est bien. Regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les non-initiés, les palmarès, c'est fou. C'est plus qu'un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud. Le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Tout à fait. On commence par le top 10 électronique. Il y a beaucoup de nouvelles entrées. En fait, je crois que la moitié des palmarès, même. Ouais, exactement oui, la moitié. J'ai compté. Ben oui, moi aussi. En 10e position, on retrouve David Starfire avec Bombay Beats, avec un Z. Ouais, parce que c'est plus cool comme ça. En 9e, The Wrong Star Society avec Bring You Down. En 6e, c'est Emma Taerde avec Leben Geben Leben Nemen. Et c'est vraiment le nom de l'album. En 5e position, Caspa et Rusko avec Fabric Life .47. En 3e position, on a remonté de 3 places pour Edge of Dawn avec Borderline Black Heart. En 2e, nouvelle entrée, la compilation Waveform Transmissions Volume 1. Et en première position, plus 2 pour Grains of Sound avec Rays of Life Volume 1, 2 petits points down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Qu'une nouvelle entrée cette semaine. Ah. Juste une. Opeth. Hein? Mm-hmm. Avec The Roundhouse Tapes. Ben oui, il y a donc ça. Voilà. Et en troisième position, Gross Misconduct avec The Process of Indoctrination. Hey, tu m'en as pas laissé dans le top 10 électronique, mais tu t'es revengé dans le top 10 loud. En deuxième position, Moonspell avec Under Satanic. Et en première position, L'Esprit du Clan avec Chapter 3 Corpus Delicti. Merci, Mathieu. Ben, ça me fait plaisir, Virginie. On prend le top 3 des disques canadiens, le top 3 des albums plus tard, mais avant, on retourne à nos palmarès standards. En 8e position, c'est Stars avec My Favorite Book qui monte de 4 places, mais avant. Mais avant, Jack G. Marinovitch avec En Dessous. Tout de suite, au palmarès, c'est fou, en dessous de vos écouteurs, dans vos oreilles, en dessous de votre tuque. Oh, on aime les tuques parce j'aime que les tuques. Il neige. Sais-tu quoi? C'est... Ah, bon, les cymbales par la fenêtre. Le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Ou elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calme et tendre. Elle est sûrement aussi, mais pas dans ces moments. Où elle est plutôt tendue. Il y a du verre qui se casse. Ça doit être la tasse, mon amour pour toujours. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. We'll be right back. Vous écoutez les Palmarès des Fous et voici Stars avec My Favorite Book. You never afraid that we could be falling. All our friends would say that maybe we should wait, but they can't see what's coming. And to this day, when everything breaks, you are the anchor that holds me. And that is why we'll always make it. The storm can always get me crying. Well, you can make my bed, I'll fall into it, shattered but not lonely. 'Cause I never knew a home until I found your hands. And when I'm weathered, you come to me, you're my best friend. That's why we'll always make it. Avec My Favorite Book en 8e position anglophone, ça monte de 4 places. En dessous de Jack G. Marinovich, juste avant. Ah! En dessous, avant. À gauche, en arrière, à l'ouest. Je sais plus. Au nord, au sud. Au nord, au sud. À l'est, à l'ouest. Le matin comme le soir. Nous sommes toujours présents. C'est ça, tel les intrépides. Donc, ça, c'était les 8e positions. On est rendu à nos 7e. Avant de faire ça, continuons notre top de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On a commencé Gling, tantôt. Gling. Gling, gling, en effet, je seconderai en disant bling, badang, badaboum. Ça s'est fait mal. Top 3 des disques canadiens, donc c'est tout à fait stable. Chaque position est pareille à la semaine dernière. 10e semaine de présence pour Civil avec Devil at My Heels. En deuxième, c'est Dragonette avec Galore. Et en première, c'est The Go Team avec Proof of Youth. Quand même très stable, hein? On aime ça quand c'est stable comme ça. Puis je suis sûr que les artistes aussi sont très heureux qu'on soit stable. Oui, ils aimeraient peut-être ça, être tous à la position numéro 1, par exemple. Ils aimeraient peut-être ça un ex-écho. Probablement, mais c'est mieux que rien. C'est beaucoup mieux que rien. Parlant de mieux que rien, voici le... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le top 30 des albums en général. Je regarde les nouvelles entrées. Là, j'ai une pas nouvelle entrée, une Mathieu. Seule. OK, c'est quoi? Elbow Beach Surf Club avec Billy Club, qui est un hippie. Et on vient juste les entendre en position numéro 15, si je me rappelle bien, du côté anglophone. Oui, c'était la 14e. Donc, tiens, faisons le top 3. En troisième, montée de 4 places pour Slow King avec Rival Cities. En deuxième position, Sandra Lerky, qui est stable, avec son album Done in Real Life. 10e semaine, ça va très bien pour lui. Et ça va encore mieux pour The Go Team, qui est en première. C'est stable, 12e semaine de présence. L'album s'appelle Proof of Youth. Voilà. On retourne à nos palmarès. C'est du côté de la 7e position anglophone. On retrouve The Consecos avec Raised by Wolves. En fait, ça descend d'une place. Oh. Mais avant, Téléphérique avec À Distance, qui est stable en 7e position. Et ça se passe maintenant! Au palmarès, c'est fou! Je vais pas finir seul. J'essaye, peut-être je comprends rien. Ou ça m'arrange de rester dans mon coin, toujours une distance entre ce que je fais et ce que je pense. 55 avec Raised by Wolves, la 7e position anglophone descend d'une place dans les panoramas fous 89.1 FM. L'émission qui fait entendre la meilleure musique, c'est un condensé de ce que c'est fou à de meilleur à vous offrir, c'est vrai? C'est vrai, effectivement, c'est condensé. C'est condensé! Oui. Du côté francophone, on a entendu la 7e position. Dit avec tant de conviction. Oui, effectivement, c'est parce que j'étais en train de me demander si on l'avait entendu ou si on allait l'entendre. On l'a entendu avant. Fait que c'était à distance avec téléphérique stable. On ne peut plus stable avec le chiffre chanceux, le numéro 7. Ah, wow! Les prochaines, et regarde ça du côté francophone, là, c'est la 6e position pour la 6e semaine. Et c'était la 6e la semaine dernière, ça fait 666. Oh non, c'est le chiffre du diable! Oui, en effet! Ah! C'est Gatineau avec Back in the Days. Mais avant, message de terrain public pour vous dire que la semaine prochaine, le 21 décembre, en direct à 17h, c'est le spécial C'était fou en 2007 que j'animerai avec des gens, là, diverses personnes du personnel de C'est fou. Et puis, on va faire la rétrospective de l'année au complet. Ça, c'est le 21 décembre, en rediffusion le 28 à 17h. Soyez là. Allô! Nous, c'est notre dernière émission dans notre case de 2h, c'est ce que ça veut dire. Et on retourne à 3h en janvier, le 4 janvier. Mais retenez pas tout ça, là, ça sert absolument à rien. Soyez là à 17h les vendredis soirs, il y a toujours quelque chose qui se passe, puis ça finira quand ça finira. Hein? C'est en plein, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que je me dis? C'est quoi tu disais? Qu'est-ce que je me dis? D'accord. Du côté anglophone, la 6e position, c'est de Setting Sun avec In a Certain Way qui monte de la 11e. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière, mais avant, voici la 6e francophone. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Alors, je vais juste te répéter. Back in the days, Gatineau. J'avais même pas dit le nom oui. de la toune. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Moi, je pense que non. Il y en a deux oui. qui disent oui, deux qui disent non. Ça n'a pas rapport, ça. Un est-ce débat. Que, est-ce que vous m'écoutez quand je parle? Oui. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi. Tout ça, ça a commencé une couple d'années sans côté. Ta soirée y'avait juste du hip-hop anglophone. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip-hop c'était juste une mode. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi. Je fais ça rien, je fais ça ma façon. Je fais ça frais, c'est bon dans maison. Un saut à distance comme combinaison. Back in the day, t'as pas d'avantage. on sait quoi. King's report, je rentre des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'un rapper. Back in the days, j'ai tant des hip-hoppers. Back in the days, I'm a hip-hopper. Des PMD, Grandmaster Flash. Pousse d'après-midi, j'ai le sandage. Fait du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai connu ces rockers. You live in the past, man. The Setting Sun avec In a Certain Way en position numéro 6 anglophone, ça monte de la 11e, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière de leur album éponyme. Et du côté francophone, c'était la 6e position aussi avec Back in the Days de Gatineau. Ben, tellement. C'est la chanson diabolique, on ne l'oublie pas. C'était tellement ça. Tellement. Tellement. J'ai de la misère à le croire. Ben non. Non? C'est pas si dur que ça à croire, là. Je devrais le croire, ben, moi, je pense que tu devrais le croire, t'écris sur ta feuille. Ben, t'as l'air d'être une fille de confiance. Puis ben, ma feuille a l'air d'être une feuille de confiance. Une feuille de confiance. C'est ça. Moi, je ferais confiance. Bref, c'est tout est de confiance. Bref, ça va faire les niaiseries, là. Parlons des vraies affaires et parlons un petit peu de Noël. Noël. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est donc bien génial! C'est beau, hein? Donc, Noël avec Amélia Larrain, de quoi tu nous parles cette semaine, Amélia? Moi, je m'excuse pour la semaine passée de vous avoir parlé du marché de Noël de Trois-Rivières. Oh, que non. De déception! Tu vas pas dire que c'était mauvais pour vrai? Ben, je vais vous dire que j'ai failli pleurer, qu'il y avait des enfants qui pleuraient au défilé du Père Noël parce que, ma foi, c'était digne des plus belles campagnes. Ben, raconte! Ben, en fait, le plus beau char allégorique qu'il y avait dans la parade, c'était le char du Festival Western avec la musique country et des gens qui dansaient du ben country. Oui. Et le lien avec Noël étant, bien sûr, il y avait des chevaux dans ce temps-là, j'imagine. Ben, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'était Reine du Père Noël avec les chevaux. Fait que là, c'était un animal. On est capable d'aller chercher un lien. En fait, j'étais très déçue. Les chars allégoriques, en fait, c'était des cartes de golf avec des reines au nez rouge détempées dessus. Hey, c'est beau, ça. Belle initiative, en fait. Ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de parade? Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de parade. Et ça a pris 25 ans pour trouver cette idée-là. Oui, je pense que ça va prendre 25 ans avant que les gens de Trois-Rivières grandissent assez pour que leurs enfants disent « Ah, on va en parade du Père Noël! » Puis que les parents disent « Oh mon Dieu, je m'en souviens, quand j'étais petit, j'avais pleuré. » Ah, c'est triste. Mais là, passons aux bonnes nouvelles. En fait, j'ai trouvé, mieux que le marché de Noël de Trois-Rivières, le marché de Noël de Québec. Ah! Vous savez, chaque année, le Vieux-Port de Québec a son marché, en fait, un marché agroalimentaire. Mais pendant Noël, ça se transforme en un magnifique marché de Noël. Donc, on peut y retrouver 1000 produits et plus du terroir de toutes les régions du Québec. Donc, c'est vraiment un endroit pour trouver plein de cadeaux. On trouve de l'artisanat, on trouve des chapeaux, des fleurs, de la fourrure, des millions de choses, des décorations de Noël, un peu de tout. En fait, le marché de Noël de Québec, c'est du 30 novembre au 31 décembre, donc c'est déjà commencé. Puis c'est à tous les jours au Vieux-Port de Québec. Ah, c'est beau! Puis à mon avis, il va y avoir beaucoup plus d'exposants qu'il y en a eu à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il y avait 14 petites cabanes de bois et dans les 14, il y en avait 4 d'ouvertes. Mais il n'y avait pas de musique de Noël qui jouait, c'est ça? Effectivement. Que tu m'as dit? Mm-hmm. Par contre, je dois laisser le bénéfice du doute aux organisateurs qui nous ont promis pour cette fin de semaine quelque chose de mieux. Parce D'accord. que la semaine passée, on avait eu une tempête et il n'y avait pas eu le temps de s'installer. Espérons que ça sera mieux parce que ça va décevoir plusieurs personnes. Donc, ça continue cette fin de semaine du 15 et du 16 décembre, si vous écoutez en direct, c'est ça? Effectivement. Et ça continue la fin de semaine d'après. Ah, ben, waouh, ça c'est arrête trois plus, ça fait. Bon, ben, tiens, voilà pour cette première partie. On en parlera à profusion encore de d'autres petits sujets de Noël tantôt avec Amélia. Oui. Mais avant, voici nos positions numéro 5. Du côté anglophone, c'est Merry Go Run avec Ejectio Cigar, précédé de. Du côté francophone, Train, Chouchou, Chouchou, avec Jérôme Minière, qui est toujours en 5e position pour la 5e semaine. Et ça se passe maintenant au palmarès, c'est fou! Oui. Au 89.1. FM. Et voilà, tu l'as eu. Je l'ai eu. Ça, c'était ma tâche. C'est ça, c'est ton mot à dire. C'est ça. Les trains deviennent ennuyeux à la longue. Cela ne ressemble plus au premier voyage. Enfin bon, la nuit parvient encore à nous faire croire un tas de choses, un tas de choses. suffit. Il faut se rendre à l'évidence. C'est un bonheur de croire un tas de choses. Comme un enfant, un débutant, un tas de choses. Les trains deviennent ennuyeux à la longue. Cela ne ressemble plus au premier voyage. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. C'est un bonheur de croire à tant de choses. C'est un bonheur de croire à tant de choses. C'est un bonheur de croire à tant de choses. C'est un bonheur de croire à tant de choses. Jérôme Minière avec la pièce Train stable en cinquième position. Cinquième semaine de présence aussi. Fais ton micro, Mathieu. Ah, je sais, mais il fait tout le temps ça, ce foutu micro. Donc, dans la deuxième heure des Palmarès, c'est fou, on va entendre plein de choses, dont, Dragonette, Sundry Lurky. Bruno Marsil, Hot Springs, Alexandre Champigny. J'adore ça, c'est tellement bon. Ça, c'est bon que quand tu mets ta feuille devant ta face puis que je te vois plus. Ben, moi, je te vois. Ah oui, au travers de la feuille? Oui, monsieur. T'es comme Superwoman. Ah. Au Palmarès, c'est fou, 89.1. Décision de C'est fou à Trois-Rivières. Voici Amelia L, Virginia C et Matt P dans les palmarès. C'est fou! S'il vous plaît, éteignez la radio. Bon, retour, c'est la deuxième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 14 au 20 décembre 2007. Je m'appelle Matt P. Je m'appelle Virginia C. Et je m'appelle Amelia L. Et que c'est beau, des DJ à la radio. Qui jouent des tunes. Des quoi? Des tunes. Des tunes qui jouent des tunes. Des tunes. Des tunes à radio. Des chileux à radio. À radio. C'est comme ça qu'on fait ça au 89.1 FM. On est rendu dans cette deuxième heure aux positions 4 à 1. On a encore un paquet de bonne musique pour vous ainsi que des chroniques. On va parler entre autres de Noël plus tard avec Amelia L. Hein? Reste avec nous les vendredis soirs à 19h30. Ça va être écouté à l'heure de la chanson où Virginia C et moi-même allons vous passer nos palmarès personnels. Amelia sera peut-être... Non, Amelia va être partie d'ici là, mais quand même. Et voilà. Elle va être là de son esprit. Je vais vous écouter, c'est certain. D'accord. Pas vrai du tout, hein? Elle ment à travers son chapeau. Non, à travers mon micro. Oui. Du côté anglophone, la quatrième position, c'est Dragonette avec I Get Around de leur album Galore. Mais juste avant Fantôme Dinosaure de Hot Spring. Tout de suite au Palmarès, c'est fou au 89.1. Yeah. pas mettre oui. Là. Non, attends. Hey. Là. Dragonette avec I Get Around. Et je dois avouer que j'aime bien cette chanson. C'est très, très bon. Cette chanson. C'est très bon. Donc, ça, c'est en position numéro quoi? 4. Numéro 4. Ça descend d'une place. Malheureusement. Et justement, du côté francophone, Amélia, la quatrième position, allez, suis un peu. Oui, bien sûr. La quatrième position du côté francophone, c'était Fantôme Dinosaure avec Hot Spring. Hot Spring. Hot. C'est un H aspiré. C'est, oui, un peu comme la pièce Aspiration d'Alexandre Champigny dans quelques instants. Oui, même le public en délire derrière moi crie. Mais avant de continuer là-dessus, c'est l'heure de la deuxième partie de notre chronique sur Noël. Ah, Amélia Larrain qui est de retour pour nous parler de Noël. Oui. Alors, maintenant que je vous ai proposé quelque chose à faire à Québec, je suis consciente qu'il y en a qui sont à Trois-Rivières, effectivement, parce qu'on est une radio de Trois-Rivières. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire à Trois-Rivières dans le temps de Noël? Il y a les Jardins de la Lumière du Sanctuaire du Cap. C'est en fait une ambiance musicale et de lumière, des sentiers, on peut aller voir des crèches du monde entier et il y a même du théâtre de marionnettes. N'est-ce pas génial? Ensuite, on a les concerts autour du sapin qui se déroulent trois fins de semaine de décembre. C'est des chorales au parc portuaire. C'est en après-midi, trois fins de semaine de décembre. Il y a bien sûr le marché de Noël qui continue, comme on a dit tantôt, pendant deux fins de semaine encore, du jeudi au dimanche. Et si vous voulez plus de renseignements, il y a toujours le site Tourisme Trois-Rivières pour savoir quoi faire pendant Noël. Eh bien voilà! Merci, Amélia! Bien, ça me fait plaisir. Beau travail! En fait, c'est les lutins du Père Noël qui m'envoient. Ah, ben là, faut les remercier eux, dans le fond. Donc, pas merci par tout. Amélia, ça m'a même pas fait plaisir. Bel job de vol! Donc, on est rendu à nos positions numéro 3 du côté anglophone. C'est Slow King avec Vicinity qui monte de deux places. Mais avant, voici le numéro 3 francophone. Aspiration. Aspiration. Avec Alexandre Champigny. Ah, ben oui. Ben, c'est ça. Et c'est au palmarès, c'est fou et c'est excellent dans vos oreilles. Je l'entends dans vos oreilles, c'est bon. C'est bon, là. Miam, miam, miam, miam, miam. Tu manges des oreilles, c'est bon. Ouais, j'aime. Yeah. Smoking avec Vicinity en troisième position du côté anglophone, ça monte de deux places dans les palmarès, c'est fou! Du côté francophone, c'est malheureusement pas stable, ça vient de baisser d'une place en troisième position. Alexandre Champigny avec Aspiration. Oh. Oui, ça fait seulement 6 semaines que c'est là. Est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'une nouvelle pièce d'Alexandre Champigny va prendre sa place? Ça, on verra bien. J'aimerais bien Montagne d'entrée. Ce serait bon, hein? Ouais. Montagne d'entrée, c'est mal. Donc, on est rendu à nos deuxième position. Les choses avancent très, très vite. Je regarde ça et je me dis, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, là, à part les affaires de Noël. On n'a pas dit grand-chose, vous trouvez pas? À effet. Je suis bien d'accord. Mais je suis sûre que t'as de quoi te préparer, comme d'habitude. Ben justement, regardez-moi ça. On va regarder les pièces, en fait, les albums qui ont été les plus vendus cette semaine au Canada. C'est pour la semaine qui se termine le 13 décembre 2007. Moi, je prête à gager que c'est des albums de Noël. Peut-être, peut-être, mais voici une nouvelle entrée en 32e position. C'est Annie Blanchard avec Sur l'autre rive. C'est tellement bon, ça. 5e position, c'est stable. Paul Potts avec One Chance. En 4e, c'est aussi stable. La compilation Munch Dance 2008. En 3e, c'est stable encore. Anne-Marie avec Do It's Friends and Legends. En 2e, c'est stable encore. Céline Dion avec Taking Chances. Et la première position est toujours stable. Je vous dis, tout est stable. C'est Noël de Josh Groban. Oh, au moins, c'est Noël en première position. Non, je regarde, c'est des affaires de Noël. Là, je vois vraiment pas grand-chose de Noël. Je descends un peu et puis... Non. Et la trame sonore de High School Musical 2, par exemple. Oh, yeah. Je l'ai acheté cette semaine. Pour vrai? Non. Ah, OK. Ça aurait pu, tu sais. Non. T'es pas si commercial que ça. En effet, pas vraiment. Est-ce que t'as fait le tour des magasins de Port-Réal pour essayer de te trouver le DVD de Céline Dion? Non. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait, ouais. Les filles parlent tellement pas dans leur micro. Hey! Hey, allô! C'est des secrets! Ben, qu'est-ce que vous faites? C'est parce qu'on veut pas qu'ils nous entendent. Ben là! C'est un secret! C'est pas gentil, ça! C'est comme ça que ça se passe en famille. Ah, ben ouais, c'est des cousines, faut le rappeler, Amélia et Virginie, hein? Hey, ben, c'est la première fois que vous coalimez ensemble, je pense. Oui! Ben oui, la semaine dernière, Amélia a remplacé Virginie. Et voilà! Et voilà, mais pourquoi pas? T'sais. Pourquoi cette pas? Cette semaine, je suis là juste pour prouver que c'était pas la même personne. Non, que c'était pas, pas un dédoublement de personnalité ou peu importe. Moi, j'avais des doutes, en tout cas. Je Bon, numéro 2 anglophone, c'est Sundry Lurky avec To Be Surprised qui est stable. Ça fait 7 semaines que c'est dans les palmarès et ça va très, très, très bien pour Sundry qui va se ramasser en première position, j'imagine, la semaine prochaine. On l'espère. Ça, c'est si notre numéro 1. On dit rien là-dessus. On ne dit rien. Chut. Mais avant, voici le numéro 2 francophone. Qui était notre numéro 1 de la semaine passée. Oh non, il a descendu. Oh, mais quelqu'un d'autre a monté. Oui, a monté beaucoup. Des pour et des contre. Oh, on s'en va donc écouter Hippocampe de El Motor. El Motor. Toi, t'es resté sur Hippocampe. Non, je pars avec moi, toi. Thank you. Retour sur Nuit Lurky et nos numéros 1 au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. On pousse la pub? On la pousse. On la pousse. Mais pousse égale la pub. Pousse. Okay. Oui, là, on tire la pub. On la ramène. On a accouché d'une toune de Sundry Lurky. Ouais! Voici tous mes surprises au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. I'm not gonna say, did you ever stop to thank God along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna state obvious observations everybody makes, but baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic, but baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. Le numéro 2 anglophone, c'est stable, 7e semaine de présence, c'était précédé du numéro 2 francophone. Oui, le numéro 2 francophone, c'était notre numéro 1 francophone de la semaine dernière, Hippocampe avec El Motor. Oui, formation El Motor avec leur album éponyme. On est rendu à notre numéro 1, mais avant d'aller à notre numéro 1, vous avez vu qu'il nous reste un petit peu de temps, donc on va reculer, on va faire un flashback dans la voûte. On va l'entendre en position numéro 13. Du côté anglophone, c'est Figurines avec A Girl, mais avant, voici la 13e francophone. 13e francophone, les cafards de les Psycho Riders. Les Psycho Riders! Pas de suite! On va voir, c'est fou, 89 FM. FM. In your ears. We'll be right back. see what we have done just to be free. Waiting, we're waiting. Waiting, we're waiting for a superhero. Waiting, we're waiting for a superhero intervention. Waiting, we're waiting for a superhero. Will they say when they see what we have done just to be free? Waiting, we're waiting for a superhero intervention. We're waiting for a superhero intervention. Waiting, we're waiting for a superhero intervention. Waiting, we're waiting for. C'était la 10e position anglophone, Johnny Hollow avec Superhero, stable, 3e semaine de présence. Tranquillement, pas vite, ça monte et j'aime beaucoup cette pièce, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Juste avant ça, on a passé en flashback nos 13e positions. Hey girls! Girl? Girl. Yes. The Figurines. Mm-hmm. Et les cafards. Des Psycho Riders. Voilà. On a fait ça parce qu'on a terminé nos positions numéro 2. On a du temps en masse. Maintenant, on est rendu à nos numéro 1 qu'on s'en va entendre dans quelques instants. Mais avant, les numéro 1... Hein? Qu'est-ce que tu nous réserves? Suspense un peu. Voici les pièces les plus téléchargées sur Apple iTunes. Ah. Tiens, allons-y avec la 10e position, pourquoi pas. On retrouve Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow de Michael Bublé. En 9e, c'est Crank That de Soulja Boy. L'artiste Soulja Boy, tell him. Hein? En 8e, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. En 7e, Kiss Kiss featuring T-Pain de Chris Brown. Mais tu voulais des tunes de Noël dans le palmarès tantôt. Les voilà, là. C'est correct. En 6e, Fergie avec Clumsy. En 5e, Rihanna avec Don't Stop the Music de son album Good Girl Gone Bad. En 4e, c'est Bubbly de Colby Kayat. L'album s'appelle Coco. En 3e, c'est No One de Alicia Keys. En 2e, c'est Music Is My Hot Hot Sex de CSS. Can't Say Dessert Sexy. Et en première, c'est Apologize. Au moins une bonne pièce quand même, ça, ouais. Je trouve. Ouais. Featuring One Republic, c'est l'artiste Timbaland de l'album Shock Value. Et nous, on va entendre quelque chose de très, très aussi choquant, j'imagine, pour certains, pour les ceux qui ont les oreilles sensibles à la bonne musique, là. Ceux qui sont allergiques aux bonnes affaires, hein. Ceux qui ont comme. C'est comme un. Comment dire. C'est comme, je dirais. Tout le monde en parle. Tout le monde parle de ça, tu sais. Ouais. C'est comme un genre de maladie, tu sais. Ouais. C'est le marsilisme. Le marsilisme. Le bougnou marsilisme. Ah! Puis ça s'agrippe, par exemple, comme une vis. Comme une vis. Hein? Puis, une vis, ça s'agrippe pas vraiment. Non? Mais... Ben oui, ça s'agrippe. Ben oui. Ah, ok, ça s'agrippe. C'est juste que ça s'agrippe pour mon jeu de mots, ça marche. Ok, c'est bon. Okay. Faut que ça fitte avec mon jeu de mots. Ah oui, je m'excuse. Ouais. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain, quand? Aujourd'hui? Ben oui, maintenant. Aujourd'hui, là, là. En reprise. Ou en reprise. Ou en reprise, c'est vrai, c'est vrai. Ou en reprise. Ouais. C'est un band de boogie à Montréal, années 70. Un groupe écœurant. Dire qu'il n'y a plus un maudit d'enregistrement.

The Go Team et Grip Like a Vice, la position numéro 1 anglophone. C'est bien bon et je comprends la position numéro 1. Moi aussi, j'avais hâte que ça se rende au numéro 1. Avant de terminer l'émission, on va faire un petit résumé des positions 5 à 1. Je vais faire le côté francophone encore pour te laisser le côté anglophone. En merci, cinquième, ben, ça fait plaisir. Cinquième anglophone, francophone, c'est Stable Train de Jérôme Mignage, trois petites durant anglophone. En quatrième, Descente d'une place, Fantôme Dinosaure de Hot Springs. En troisième, Descente d'une pour Aspiration d'Alex Champigny. En deux, c'est l'ancien numéro 1, Hippocampe de El Motor. Et le numéro 1, monté de 7 positions, on a entendu Bruno Marcel avec Tout le monde en parle. Oh, pardon, tout le monde parle. Tout le monde en parle. Tout le monde dit ça. Pas dimanche soir. Non, je sais, mais tout le monde dit ça à la place de dire Tout le monde parle. C'est trop dans notre cerveau. En crise, c'est le mot que je voulais. Oh, ça me fait plaisir de l'avoir trouvé à ta place, Mathieu. Je vais donc avec mon côté anglophone et je suis vraiment fière de l'appeler mon côté. En cinquième, on avait Ejectio Siga avec Merry Go Run. En quatrième, I Get Around the Dragonette qui a baissé d'une place malheureusement. En troisième position, Felicity de Slow King. Et en deuxième, Stab To Be Surprised de Sundry Lurky. Et en première, encore Stab pour une quatrième semaine, Grip Like a Vice de Go Team. Hooray, de Go Team qui est monté en flèche. Go, go, go vers le sommet. Go, go, go. C'est la fin des palmarès. C'est fou pour la semaine du 14 au 20 décembre 2007. C'est aussi la dernière émission régulière des palmarès entre 15 horaires de 2 heures. On sera de retour la semaine prochaine, le 21 et le 28 pour le spécial C'était Fou en 2007. Ça va durer 3 heures avec Virginie qui va être là. Oui, monsieur. Et moi-même et d'autres gens qui vont venir avec moi. D'autres amis, comme on les appelle. Donc, ça, c'est le 21 et 28 à 17h. On va être de retour dans une case horaire de 3h au Palmarès et Foot dès le 4 janvier. Parce qu'on aime les palmarès. On aime ça. Nous, les auditeurs du vendredi, ceux qui écoutent en direct, on se revoit dans 30 minutes pour Écoutons la Donla. Chanson! Ça va être notre palmarès personnel, nos meilleures pièces. D'ici là, ben, ça va être Vidons la Donla, la question à 19h. Ensuite, Kimoine va être là à 20h. Mephisto à 21h. Électrochoc à 23h. Et les choix de Satan à 1h du matin. De la part de Virginie. Et de la part de Mathieu. Bonne semaine. Soirée. Bonne soirée. Wow. Bonne soirée, bonne chance, comme je disais. Bye. Fais attention à tes genoux, toi aussi. Mangez pas la neige jaune. Mangez pas la neige jaune, non! Ne faites pas ça, non! Non, je veux.